Alors ça se respecte. Une initiative de la Sofico avec Vivacité. Merci d'écouter Vivacité, il est 11h. L'actualité, accueillons Yasmina Favaro. Bonjour Yasmina. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. 11 juillet, c'est la fête au nord du pays, la fête de la communauté flamande. D'ici quelques instants, le NVA Jan Peumans, le président du Parlement flamand, va prononcer son discours à l'hôtel de ville de Bruxelles, comme le veut la tradition. Ce n'est pas le coup d'envoi des festivités déjà démarrées ce week-end, un coup d'envoi donné par Geert Bourgeois, le président de la région flamande. Il s'est fait remarquer en appelant à plus d'autonomie pour la Flandre via une nouvelle réforme de l'État en 2019. Léopold Storm sortira-t-il de prison? Réponse aujourd'hui. Le jeune homme qui purge une peine de 26 ans de prison pour le meurtre de ses parents et de sa sœur a introduit une demande de liberté conditionnelle. Le tribunal d'application des peines doit dire s'il l'accepte ou non. La décision devrait être connue cet après-midi. Le Portugal en fête, vous le savez, leur Seleção a remporté l'Euro de football en s'imposant 1-0 face à la France hier soir. Des joueurs qui devraient être accueillis en héros dans leur pays vers 13h. C'est la première fois que leur équipe remporte un titre international. Alors pour les Français, par contre, là, le réveil a été plus difficile. Le ton était plus maussade, plus amer pour le pays organisateur de l'Euro. Petit prix de consolation pour les joueurs de l'équipe de France. Ils sont attendus ce midi à l'Elysée. Ils vont partager leur repas avec le président François Hollande. Et à noter aussi que la Tour Eiffel reste sera fermé aujourd'hui à cause des dégâts d'hier soir. Des incidents ont éclaté entre supporters et forces de l'ordre près de la fan zone. Une cinquantaine de personnes ont d'ailleurs été interpellées. David Goffin reste 11e mondial. Pas de changement dans le classement pour le joueur belge. Après sa prestation à Wimbledon la semaine dernière, éliminé en 8e de finale. Par contre, si Novak Djokovic reste premier joueur de tennis mondial, Andy Murray, toujours 2e, le talonne d'un peu plus près grâce à son titre remporté à Wimbledon. La météo, eh bien vous l'avez remarqué, hein, ça se rafraîchit aujourd'hui. Des nuages s'invitent dans le ciel ce matin. Même chose pour cet après-midi, mais avec des éclaircies plus fréquentes. Côté température, donc c'est plus bas qu'hier, entre 18 et 22 degrés. Et tout de suite, on va faire le point sur vos conditions de circulation. Comment ça roule, Adrien Demey? C'est assez chargé sur l'autoroute de la mer, le 40 Bruxelles-Ostende. Vous perdez une cinquantaine de minutes sur cette autoroute, et particulièrement entre Herpemer et Zweinard, où ça coince fortement. Il y a le chantier, évidemment, sur ce tronçon, c'est en direction du littoral. Sur le ring de Bruxelles, la tendance est à la baisse, normalisée sur une bonne partie de ce ring de Bruxelles. Notons tout de même ces quelques minutes perdues en circulation intérieure entre Bercelles et Forêt. Grand Bigard, et puis sur le 42 entre Mons et Liège, à hauteur de Hingeon, il y a un accident, c'est la bande de droite qui est entravée. Attention, ça freine à cet endroit. L'accident est au kilomètre 38.2, c'est en direction de Liège. Vous avez éternué à rhume ? Etias est là dans les 30 minutes. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 11h et presque 3 minutes sur Vivacité. Eh bien, on prend tout de suite la direction des vacances avec un air de vacances et Stéphane Piedbeuf. Effectivement, Yasmina, j'hésite entre le barbecue et la tartiflette aujourd'hui. Oh, c'est vrai qu'avec le temps, je crois que quand même je suis plus barbecue. Il fait pas si froid que moi ça. Moi aussi, hein. Restons en été. À tout à l'heure. Solde en cuisine équipée chez Kitchen Market. De 20 à 50% de réduction et déjà une cuisine à moins de 2000 euros. Kitchen Market. Les idées plein la cuisine. Un air de vacances sur Vivacité. De 11h à 13h avec Stéphane Piedbeuf. Alors avant de parler du barbecue ou de la tartiflette, 11h03, c'est l'heure de l'apéro. Ah, pour ceux qui sont en congé, vous allez en profiter. Avec les nuages, c'est sûr, mais rassurez-vous, le soleil reviendra à un moment donné. On parle déjà d'une amélioration pour vendredi. Et justement, avec les beaux jours qui arrivent, eh bien, vous avez sans doute envie d'acheter une piscine pour la mettre à la maison, pour faire plaisir à vos enfants. Eh bien, Aurore Salsano nous donnera les bons conseils pour bien la choisir. On appellera des people en vacances. Antoine Chance, tout à l'heure, sera notre invité. Il y aura bien sûr les tubes de l'été. Dans un instant, un tube belge qui va nous emmener au cœur des années 90. Restez avec nous sur Viva. On va commencer avec le numéro 3 du Tip Top Vivacité. C'est Justin Timberlake. Un air de vacances sur Vivacité. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on.

Bien, toujours un Plumard près de chez vous. À Rocourte et Verviers ou sur plume-art.be. Plumard. C'est l'été des occasions chez Rulo Home Décoration. Carrelage, parquet, papier peint, vinyle, store, tenture et articles déco. Il y a tout ce qu'il faut. Des soldes jusqu'à moins 50%. Moins 30% sur les peintures, les vis, teintes et machines. Et moins 20% sur les stores. Ma maison, tout en émotion. Rulo Home Décoration. Rulo Home Décoration, atteint l'eau. Vivacité et la 2 présente le meeting international d'athlétisme de la province de Liège. De l'athlétisme de haut niveau à Nemet-Ovémont, le mercredi 13 juillet à 20h. Venez applaudir Nafitiam et les autres Belges dans leur dernière ligne droite pour les JO. Plus d'infos sur meetingliège.be avec le service des sports de la province de Liège et la Loterie Nationale. Jusqu'à 13h, Vivacité a un air de vacances. Et dans un instant, l'arrivée de Denis Collard sur Vivacité, la météo des plages et de vos vacances. Et vous avez reconnu ce groupe Paradisio avec Bailando. C'est notre tube de l'été, groupe Eurodance belge qui s'est formé en 1994, à qui l'on doit quand même deux albums. Il connaîtra un succès fracassant en 1996 avec ce titre qui atteint la première place des charts en Italie, au Danemark, en Norvège, en Finlande et en Suède. Nul n'est prophète en son pays, n'est-ce pas? Il restera coincé à la deuxième place chez nous. Mais bon, deuxième place des ventes en Belgique, c'est quand même pas mal. À noter que par la suite, ils enregistreront avec Patrick Club Carter un titre avec l'animatrice Maria Del Rio qui s'appelait Luz de la Luna, qui ne connaîtra pas le même succès. En attendant, montez le son, imaginez-vous sous le soleil, même si c'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Voici Bailando, Paradisio sur Vivacité.

Denis Julius te remercie, Stéphane. Et pour Aline, eh bien, ça va. Les nouvelles sont bonnes pour Rome cette semaine. La météo restera, eh bien, estivale là-bas, puisque mercredi, elle arrivera avec 32 degrés. Elle aura échappé en plus à la vague de chaleur, puisqu'il y avait 35 degrés attendus aujourd'hui. Il y en a 36 attendus demain. Donc 32, c'est plus respirable. 29 jeudi, 30 pour vendredi et 31 en moyenne pour le week-end, avec un soleil qui sera bien présent. Tout au plus, quelques nuages de beau temps pour faire des corps, mais donc un temps véritablement estival en Italie. Merci beaucoup, Denis. On vous retrouvera tout à l'heure avec beaucoup de plaisir. N'hésitez pas à demander la météo de votre lieu de vacances par SMS au 3063. Denis Collard vous dit tout dans Un air de vacances tout cet été. Marque à suivre. Les plus belles collections de chaussures pour toute la famille sur 600 mètres carrés. Retrouvez tous nos magasins sur notre site marqueasuivre.be. Marque à suivre. My Love Vélo. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo. Vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. La déco, c'est quoi? C'est qui? Décor Center. Décor Center, c'est toute la décoration d'intérieur, le numéro 1 en peinture, le revêtement de sol et les stores. Décor Center, c'est tout ce dont vous avez besoin, car 40 ans d'écoute et de service inégalable, ça ne se remplace pas. Décor Center. Boulevard de Froidmont, à côté de Carglass. Dis chérie, je me suis occupé des vacances. Enfin une bonne nouvelle. Et en plus, j'ai fait une affaire énorme. J'ai trouvé un last minute. Non. Et on part où? Bon, ça, je sais pas encore. Ah. Mais ce que je sais, c'est qu'on part en Volkswagen. Oh. C'est le moment de profiter des conditions last minute chez Volkswagen. Des conditions exceptionnelles sur une sélection de modèles de stock. N'attendez pas pour choisir votre nouvelle Volkswagen chez votre concessionnaire ou sur volkswagen.be. Offre soumise à condition. Vivacité. 11h, 13h, un air de vacances sur Vivacité. Et j'espère que tout va bien en ce jour de vacances ou de travail. Hein. Il ne faut pas oublier ceux qui bossent. On est de tout cœur avec vous et on vous met les oreilles en vacances tout l'été sur Vivacité avec La Grande Évasion, avec Vivre Ici tout à l'heure. Marc Vernon sera là dès 15h jusqu'à 17h. Et puis un petit peu plus tôt, Émilie de Kegel qui viendra nous parler d'ailleurs du thème de l'été du bon côté entre 13h et 15h. Ils seront en concert Vivacité dans le cadre des Franco de Spa. Ça commence dans quelques jours. Hein. C'est du 20 au 23 juillet. Voici Les Souliers Rouges sur Vivacité. Vivre ou ne pas vivre. Vivre ou ne pas vivre. Vivre son rêve, même à tout prix. Mais tout donner au jour et la nuit. S'abandonner à l'infini. Vivre ou ne pas vivre. Pour la gloire, pour les sous. Pour un rêve devenu fou. Faut-il y aller à genoux? Vivre ou ne pas vivre? Pour cette passion qui nous dévore, où l'on peut voir passer la mort, puisqu'elle fait partie du décor. Vivre ou ne pas vivre? Être seul, être là, être enfin face à soi-même. Être fort, être fort, être encore face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre. Être nu, être bon, être beau face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre. Être un jour, une nuit, être en vie face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre. Renoncer au grand amour. Danser sans arrêt. L'enfer. Est-ce la paix, est-ce la guerre? La vie vaut-elle une carrière? Être seul, être là, être enfin face à soi-même. Être fort, être faible, être encore face à soi-même.

technologie, c'était Milo sur Vivacité. Ça nous rappelle que le temps passe vite. Hein. Ce titre est sorti en 2008. Nous sommes en 2016. C'est incroyable. J'ai l'impression que c'était hier. Direction le bitume, la route, Adrien Demey. Bonjour, comment ça roule? Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Eh bien, on a toujours pas mal de monde en direction de la mer sur le 40 Bruxelles-Ostende. Un chantier installé sur ce tronçon amplifie ses bouchons. C'est entre Herpemer et Zwijnaard que ça coince fortement. Une cinquantaine de minutes perdues tout de même sur ce tronçon pour tous ceux qui rejoignent Ostende et le littoral en cette fin de matinée. Sur le 42 entre Montcelliage à hauteur de Hingeon, il y a cet accident au kilomètre 38.2 où la bande de droite est bloquée. Ok, ça ralentit en amont 2 km de retenue trafic vers Liège. Et puis ces déchets de pneus sur le 411 Bruxelles-Namur. C'est peu après Corroy-le-Grand que la voie centrale est encombrée. Au kilomètre 28.6, c'est en direction de Namur. Vous avez éternué à rhume ? Etia, c'est là dans les 30 minutes. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Si vous êtes coincé dans les embouteillages sur la route de la mer, Antoine Chance est avec nous dans les People en vacances. Bonjour Antoine. Bonjour. Comment ça va? Mais ça va et vous? Très très bien. Êtes-vous en vacances en ce moment? Alors je ne suis pas tout à fait en vacances, non. Ah. J'ai pris une petite semaine là fin juin, oui, avec les gamins et plein d'amis. On est parti en Italie. Oui. Donc ça c'était vachement sympa et bien rock'n'roll en même temps. Parce et que, c'était où en Italie? On peut savoir la région? Oui, c'est dans le centre de l'Italie, près de la Toscane, en Ombrie. Ah oui, c'est pas mal ça. Hein. Il y a du bon vin, des bonnes pâtes, des bonnes pizzas et un franc soleil. Oui, oui, oui, c'était parfait. On a vu passer un moment un nuage. Ah voilà, un. Là, pour l'instant, il y en a des milliers au-dessus de nous. Ici. Oui, oui, c'est moche. C'est moche. Donc, c'est l'Italie, l'endroit de vos vacances. Il y aura d'autres destinations cet été? Ben oui, alors après, on aime assez bien la mer du Nord, donc avec tout ce qui va avec, le vélo et les croquettes aux crevettes et tout ça. Wow. Quelle est votre station balnéaire préférée chez nous en Belgique? Moi je vais plutôt du côté. Enfin, moi je suis. Ma maman est ostendaise. Ah oui. Et je lui fais faubourg parce que et à la famille parce que moi je vais du côté de Duinberg. Alors c'est où ça? Entre La Palme et Knokke, j'imagine, mais. Je oui, c'est ça. Et on reste jamais trop là, on part en vélo et tout ça. C'est des vacances que j'aime bien. D'accord. Donc c'est vraiment l'endroit où vous vous sentez en vacances chez nous en Belgique, c'est la mer, le littoral. Ouais. Et alors voilà, pour l'instant, c'est pas du tout les vacances, mais il y a quand même un rythme un petit peu de vacances ici à Bruxelles, dans le sens où il y a personne, et ça j'aime assez. Mais donc moi j'aime bien l'été ici à Bruxelles et j'en profite voilà pour bosser. Je viens tous les jours au studio et voilà. Vous bossez sur quoi là en ce moment? Est-ce qu'on peut savoir petit exclu là, Vivacité? Alors exclu, oui, c'est un peu dans l'ordre des choses. Comme je me vois faire la musique jusqu'au bout, ben là je fais mon deuxième disque puisque j'en ai fait qu'un pour l'instant. D'accord. Donc voilà, j'y passe du temps, j'essaie de voilà de c'est en fait c'est pas rien de faire des disques. En tout cas moi quand je considère ça comme un travail assez global et qui comprend beaucoup de choses et du coup c'est presque une thérapie en même temps d'être un travail et de parce que voilà il faut essayer de se retrouver, de voir ce qu'on a envie d'amener de soi dans tout ça. Est-ce qu'il sera diamétralement opposé du premier ou pas? Non, alors enfin l'idée c'est toujours ça, c'est de quand même être dans une continuité. En même temps j'ai envie que ça change pas mal. Donc moi j'ai compris beaucoup de choses en sortant mon premier que ouais. J'avais eu un peu de mal à voilà à mettre à faire éclore. Mais donc ici voilà avec ce qu'on a pu découvrir de nous sur scène parce qu'on a pas mal tourné avec ce premier disque autant ici qu'à l'étranger. Voilà, on a découvert le public qui venait nous voir, ils nous ont découvert aussi et puis on s'est amusé à faire des trucs un peu péchu aussi. Il y a une complicité qui s'est installée au fur et à mesure des concerts. Ah mais oui, mais ouais. Entre le public et nous et puis alors entre nous quoi, mon équipe on est comme des frères maintenant. Donc bon, et je rappelle le nom de votre site internet, c'est antoinechance.com, hein, j'imagine que vous allez glisser quelques bribes d'infos au fur et à mesure de l'enregistrement alors, de cet album. Ouais, dès qu'on a un peu des nouvelles ouais, sinon je suis plus sur Facebook, mais là c'est vrai que j'ai mis un peu tout ça off le temps, je me dis voilà, je suis un peu inexistant pour le moment, je fais mon truc, je fais ma popote et puis dès que j'ai des trucs revenons aux vacances. Quel a été votre meilleur souvenir de vacances? Ouh, meilleur souvenir de vacances. J'ai eu comme ça une espèce de flash, parce que évidemment les souvenirs de vacances sont plutôt agréables en général. Mais on allait en Grèce quand la première fois que j'y étais, je pense que j'avais 11 ans, sur une île qui est près de Santorin, qui s'appelle Ios, mm-hmm. qui maintenant est un peu ravagée par le tourisme, mais à l'époque... C'est dans les Cyclades, ça? Vous me posez une colle. Oh, oui, je pense bien, ouais. Ok. Je pense bien. Et du coup, voilà, c'était... Voilà, il y a plein de souvenirs là-bas. Je me souviens que la première année, on est venu et on est resté assez longtemps, presque tout l'été. Et quand on est reparti, on avait vraiment des sanglots dans la gorge. Ouais. Tellement c'était fort. Devenu votre nouveau chez vous pendant tout un été. Et ouais. Oui, on peut dire ça. Et il faut faire son deuil hein, quand on quitte l'endroit de vacances où on s'amuse. On ne se rend pas bien compte, mais il faut s'y remettre. Hein. Revenir ici, parfois on a le blues des vacances, c'est incroyable. C'est vrai, et surtout quand on part par longtemps comme vous tout un été. Vous êtes plutôt camping ou hôtel? Là, du haut de mes 33 piges, plutôt hôtel. Très bien. Piscine, mer, montagne? J'adore la mer. La météo idéale de vos vacances, c'est? Alors moi, j'aime bien le soleil, mais je me mettrais plutôt à l'ombre. Mais donc moi, j'aime bien le vent et le soleil. Avez-vous un cocktail préféré? Oh non, moi j'aime bien une petite bière. La bonne bière, quoi. Ça va? On en trouve en Italie des bonnes bières? Ah oui, la Peroni par exemple. Una birra, due birre. Una birra. Vorrei una birra. C'est clair. Très bien. Bon. Et votre plat préféré de l'été? Qu'est-ce que ça va être mon plat préféré de l'été? Je suis devenu végétarien, mais je prépare un osso buco qui fait son petit effet. C'est bizarre ça pour un végétarien. Oui, mais bon, j'aime bien cuisiner pour les autres, donc du coup, je n'ai pas abandonné ça, je l'ai quand même fait. On va terminer par la glace, plutôt fraise, vanille, chocolat ou un autre parfum? Fraise, vanille, chocolat, plutôt un autre parfum. Ici, moi, en tout cas, on pourrait dire nocciola, moi j'aime bien ça. Pardon, j'ai pas compris. Donc noisette. Ah, noisette, ok. Ouais. Bon, bah c'est noté. Merci beaucoup d'avoir répondu au questionnaire des People en vacances, Antoine Chance. On vous souhaite bien sûr le meilleur pour la suite de votre carrière et on est très impatient de découvrir votre deuxième album que vous préparez soigneusement et méticuleusement, j'ai l'impression. Tout à fait. À bientôt. C'est gentil, oui, merci. Au revoir. Antoine Chance, c'était votre invité sur Vivacité et là c'est Kungs avec This Girls. And a heart that's real and a heart that's true. Something that Girls sur Viva, numéro 2 du Tip Top Vivacité, que vous retrouverez tout à l'heure pour la version quotidienne avec plein de cadeaux et Olivier Gilet entre 19 et 20 heures. L'été du bon côté, c'est tout à l'heure, dès 13h, après le journal avec Émilie de Kegel. Et c'est elle, This Girl. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Comment ça va? C'était le week-end? Oui, on a profité de ce soleil. Alors j'ai quand même vu, parce que j'ai suivi vos prévisions ce matin très tôt. Ouais. Il paraîtrait effectivement là quelques jours de n'importe quoi, mais de nouveau, le week-end serait à la limite éventuellement. Alors, prenons une paire de pincettes, mais bon. Il n'y aura pas 30 degrés comme hier. Mais c'est pas grave. Mais on va quand même monter à 25. On mais sera au-dessus des normales de saison. Ça c'est va être bien, sympa. C'est bien. Donc, oui, très bon week-end. Maintenant, c'est une nouvelle semaine qui démarre. L'été du bon côté. Avec vous, bien entendu. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une expérience interculturelle très enrichissante qui peut se passer à la maison. Vous avez peut-être eu cette énorme chance et privilège de partir quelques mois ou carrément une année à l'étranger pour poursuivre vos études à la fin, en réto, oui ou non. Enfin voilà, ce sont des choses qui arrivent. Mais là, moi, Erasmus, c'est voilà, ça. Hein. Alors, ouais. Genre, parce qu'Erasmus, c'est une façon de le faire, mais il y a plein d'autres opportunités. Maintenant, on va parler avec UF. Qui est une association qui s'occupe d'accueillir les jeunes ici et de leur trouver des familles d'accueil. Donc on va parler de cette expérience de vous qui êtes partis à l'étranger, de vous qui accueillez des étudiants étrangers à la maison. Vous aimeriez le faire mais vous n'osez pas pour x, y raison. Et ben nous sommes là pour répondre à vos questions parce qu'en même temps ça rime, c'est sympatoche. Si vous avez déjà des questions qui vous taraudent, ben n'hésitez pas à nous les envoyer par SMS par exemple. Au 3063 bien sûr, et ce sera tout à l'heure dans La Vie du Bon Côté qui s'est transformée pour l'été en L'été du Bon Côté entre 13 et 15 heures avec vous, Émilie de Kegel. À tout à l'heure. I met this pretty boy in Paris. He used to tell me that I'm jolie. I couldn't say a word, just Coco, Choco, Chanel, Coco, Chanel, Chocolat. In my heart, in my veins, I just couldn't take him out. He came and this breathing.

carrusel. Se está nublando el cielo, va a llover. Encore tes yeux, encore ton souffle, encore ta main. Encore nous deux, encore heureux, encore demain. Encore je t'aime, encore je suis, encore c'est toi. Et puis encore, on va s'enfuir, encore demain. Dans un instant, il y aura David Bowie sur Vivacité avec China Girl. C'était Florent Pagny, vous l'avez reconnu, avec le titre Encore. Un air de vacances sur Vivacité. Les beaux jours vous donnent peut-être envie de faire un petit plongeon, mais vous n'avez pas de piscine. C'est dommage, ça tombe bien. Aurore Salsano vous aide à en choisir une tout de suite. Ah, quel bonheur de se plonger dans l'eau fraîche quand la température monte. Le souci, c'est qu'entre une piscine gonflable à 30 euros et la piscine d'un hôtel 5 étoiles, il y a une fameuse marche. Commençons par le moins cher pour ne pas se décourager. Il y a d'abord la bonne vieille piscine gonflable, donc limite pataugeoire. Elle ne coûte pas grand-chose, quelques dizaines d'euros. Le souci, c'est qu'il faut la gonfler et que souvent, elle ne tient pas le coup très longtemps. On évite le problème du gonflage long et fastidieux avec la piscine autoportante, puisque là, il faut seulement gonfler le boudin qui supporte la structure. Comptez entre 80 et 600 euros en fonction de la dimension. Certaines atteignent jusqu'à 6 mètres de diamètre. Viennent ensuite les piscines solides, en kit, à poser sur le sol principalement, même si certaines peuvent aussi être enterrées et qui peuvent, elles, rester toute l'année au jardin. Elles sont en métal ou en bois, se construisent relativement facilement. Le prix de 750 à 5000 euros, mais avec de belles dimensions, alors 8 mètres sur 4 mètres sur 50 par exemple. Ensuite, il y a les piscines tout à fait permanentes, en dur, dans le sol. Attention, pour cela, il faut un permis de bâtir. Pour les modèles qui font plus de 50 mètres carrés, renseignez-vous auprès de votre commune. Pour ce type de piscine aussi, vous aurez l'embarras du choix. Il y a par exemple la piscine coque en polyester, solide, étanche et durable, c'est chouette. Ce qui l'est moins, c'est pour la place, puisqu'il faut la transporter, surtout si vous avez choisi de belles dimensions. Un transport qui donc se répercutera sur le coût. La coque devra être placée par un professionnel qui l'enduira notamment d'une couche protectrice, opération à renouveler tous les 10 ans. Pour un petit modèle style 6 mètres de long, tout compris avec le placement et le déblaiement des terres, et oui, ça aussi, ça se compte dans le budget, il vous faudra débourser 15 000 euros à peu près. Pour finir, il y a aussi les piscines maçonnées. Mais là, il faut nettement plus de temps pour les installer. Attendre que le béton sèche, tout ça, tout ça. Puis mettre une finition, peinture, résine, carrelage. Ça vous coûtera aussi 15 000 euros minimum. Et là, ça peut aller jusqu'où votre imagination vous porte, avec des piscines à plein luxe à 50 000 euros, voire plus. Ah, ça fait du bien de rêver.

Rebonjour, le jaune et le noir à l'honneur aujourd'hui, c'est la fête de la communauté flamande. Le président du Parlement flamand, le NVA, Jan Peumans, vient de prononcer son discours traditionnel à l'hôtel de ville de Bruxelles. Mais depuis ce week-end, c'est un autre discours qui retient l'attention, celui du NVA, Geert Bourgeois. Le président de la région flamande a tenu un discours aux accents très communautaires, avec une pique pour le sud du pays. Pour lui, la frontière linguistique est devenue une frontière de la grève et les Flamands crachent sur cela. Jan Peumans, son collègue, est revenu sur ses propos polémiques. Il faut voir ce mot cracher, on faut voir ça comme plus de symbolique. Oui, c'est un dommage, je ne sais pas comment on dit ça, c'est une erreur. Mais il faut entendre tout le discours de M. Bourgeois pour mieux comprendre pourquoi il a dit ça. Dans le même temps, quand il dit qu'il y a deux démocraties différentes en Belgique, ce n'est pas un discours neuf, ça. Oui, mais ça c'est juste, il y a une autre mentalité, mais ce n'est pas un problème. Mais il y a une autre mentalité en Wallonie, moi je viens beaucoup en Wallonie, et en Wallonie, c'est pour moi la Wallonie c'est plus agréable, plus de tolérance, et c'est une différence avec la Flandre. Allez, par exemple, quand ils ont une réception, c'est toujours l'affaire de l'amitié. Ici en Flandre, on ne connaît ça pas. Ici on dit c'est réception, ça c'est la différence. Donc vous voulez apaiser et calmer les esprits, pour vous, il ne faut pas rajouter une couche sur les propos de Geert Bourgeois. Oui, ça c'est vrai, oui, je suis d'accord. Jan Peumans, le président du Parlement flamand, au micro de Marc Cirlerot. Alors Charles Michel a aussi réagi, il désapprouve les propos de Geert Bourgeois. Ce ne sont pas des mots dignes d'un ministre-président de région, a déclaré le Premier ministre. Si vous devez prendre l'avion à Zaventem aujourd'hui, partez un peu plus tôt, car comme ce week-end, ça peut coincer en direction de l'aéroport. En cause, des contrôles de police. La police fédérale les intensifie sur cette route ces derniers jours. Ils vous retardent normalement de 2 à 3 minutes sur votre trajet, mais en période d'affluence, les minutes se multiplient, engendrant des retards, pas plus de 15 minutes jusqu'à présent aujourd'hui. Alors si c'est l'affluence à Zaventem, ces dernières semaines, ça allait aussi dans les autres aéroports du pays. C'est le cas à Charleroi. 610 398 passagers sont passés par le tarmac de l'aéroport Carolo en juin. C'est 2% de plus que l'an dernier à la même époque. Et ça grimpe carrément à 8% de plus pour les 6 premiers mois de 2016. Mais là, ça s'explique aussi par la fermeture de Zaventem à cause des attentats du 22 mars. Plus de peur que de mal à Péri d'Eisa ce week-end. Un jeune garçon de 7 ans a été blessé près de l'œil et la lèvre par un vautour, une blessure sans gravité. L'enfant assistait à un spectacle de fauconnerie, c'est une information à lire aujourd'hui dans les journaux du groupe Sud Presse. Le parc a réagi, il est désolé de cet incident, un incident rarissime, ajoute-t-il. Il explique que le vautour s'est posé au milieu du public à cause du vent. L'enfant s'est retourné et il a surpris l'oiseau. L'oiseau qui participe au spectacle depuis 3 ans sans aucun incident. Ronaldo et ses équipiers de la Seleção devraient être accueillis en héros d'ici une heure au Portugal. Ils rapportent pour la première fois un titre international à leur pays. Alors vous le savez, ils ont remporté l'Euro de football en s'imposant 1-0 face à la France hier soir. Écoutez d'ailleurs la joie d'un supporter portugais à Lisbonne. Je me sens très heureux et c'est dommage pour la France, mais cette fois c'est le Portugal qui a gagné. Ça fait combien de temps que vous attendiez ça ? Toute la vie, parce que c'est la première fois que nous sommes champions d'Europe. Alors on a toujours attendu. Cette victoire, elle s'est faite sans Ronaldo. Est-ce que quelque part, elle s'est faite aussi pour lui ? Cette victoire est pour et avec lui, parce que tout s'est fait grâce à lui et grâce à l'équipe de Portugal. Donc cette finale est dédiée pour lui aussi. Et tout le monde pensait qu'on allait rien faire sans lui, mais je pense qu'on a donné une bonne réponse. Et on a été capable de gagner à la France qui est très forte et sans Ronaldo. Un supporter portugais à Lisbonne au micro de Radio France. Alors pour les Français, par contre, là, le réveil, il a été plus difficile. Le ton était plus maussade, plus amer pour le pays organisateur de l'Euro. Il y a un petit prix de consolation pour les joueurs tout de même. Ils sont attendus ce midi à l'Elysée. Ils partageront leur repas avec le président François Hollande. Et puis à noter aussi que la Tour Eiffel, eh bien, elle restera fermée aujourd'hui à cause des dégâts d'hier soir. Des incidents ont éclaté entre supporters et forces de l'ordre près de la fan zone. Une cinquantaine de personnes ont d'ailleurs été interpellées. On va tout de suite faire le point sur vos conditions de circulation avec Adrien Demey. Apparemment, ça bouchonne sur l'autoroute de la mer. Oui, du monde et en raison notamment de ce chantier installé entre Herpemer et Zwijnaard qui amplifie évidemment le bouchon. Vous perdez une cinquantaine de minutes sur ce tronçon Herpemer-Zwijnaard dans la traversée de ce chantier. C'est en direction d'Ostende. Votre voiture est en morceaux à Tirlemont ? Et tiens, c'est là dans les 30 minutes. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et c'est reparti sur Vivacité pour un air de vacances, toujours avec Stéphane Piedboeuf. Merci beaucoup Yasmina Favaro. Le journal, ce sera tout à l'heure à 13h sur Vivacité.

de l'été que l'on avait absolument envie de partager avec vous ce matin. C'est Jennifer avec Au Soleil. L'histoire raconte que cette jolie niçoise a débuté sa carrière à l'âge de 10 ans en se produisant en première partie de C'est Jérôme. Gagnante quelques années plus tard de la première édition de la Star Academy française, elle publie son premier album en 2002. Et évidemment, c'est un succès immédiat grâce à des titres comme J'attends l'amour ou encore ce tube qui a envahi les transistors l'été 2002, Au Soleil. Ce qui ne me tue pas me rend fort. On pourrait en venir aux mains. Je suis à celui qui me transporte. Avec toi, j'irai bien. Même sans toi, j'irai bien. Jennifer, au tout début de sa carrière, elle fait partie des tubes de l'été d'aujourd'hui, avec tout à l'heure Paradisio. Si vous l'avez manqué, rassurez-vous, les clips sont disponibles sur vivacité.be. Vous cliquez sur Un air de vacances et là vous pourrez regarder la chanson Au soleil de Jennifer ou encore celle de Paradisio. Voici Julian Peretta avec Miracle. On accueillera dans quelques minutes Denis Collard. Ce sera la météo de vos vacances sur Viva. When the leaves turn brown, I watched it burn across the sun and above the clouds. The sirens clear, I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. When the wolves run wild, I see myself, but you won't take this road I go down. The nights grow cold, the flame goes out, living forever in a ghost town. You save me, I save you. A miracle that was meant for two. I save you, you save me. A miracle at every beat of my heart. At every beat of my heart. De Vivacité samedi matin, c'était le tip top et patatrac. Julian Peretta n'est plus sur le podium, il est quatrième avec Miracle. Plus d'infos tout à l'heure dans la quotidienne du tip top entre 19 et 20 heures. Pour vos travaux d'été, Méribois vous gâte. Offre immanquable en juillet et en août. Moins 30% sur les bardages Eternit Cédral Siding. Moins 30%. Méribois à Liège, 375 rue Saint-Léonard est ouvert tout l'été. Méribois à Tilf, 20 allées des artisans est fermé du 17 au 31 juillet. Un choix comme ça, c'est Méribois. Méribois, le bois mérite un spécialiste. Méri-bois.com. Dès 15h, Vivacité vous donne envie de vivre ici. Durant ce mois de juillet, les meubles Teller à Büchenbach vous invitent à la détente. Vous profiterez des soldes pour réaménager votre intérieur. Grâce à nos salons tout confort, nos salles à manger à vivre, nos literies de grande qualité ou nos luminaires, vous jetterez l'ancre pour enfin profiter. Meubles Teller à Büchenbach, votre bonheur sur mesure. UEFA Euro 2016. Le Portugal, champion d'Europe. C'était ce dimanche 10 juillet et vous l'avez vécu en direct sur Vivacité. Vivacité, la 1 et la 2 présentent les Total 24 Hours of Spa. Du 26 au 31 juillet, la plus grande course GT au monde sur le plus beau circuit du monde. Des marques de prestige, un plateau de rêve, animation pour grands et petits, concert du samedi soir. Info et tickets 24hoursofspa.com. La chance qu'un riche arrière-petit-cousin Germain vous appelle... Oui, c'est ton riche arrière-petit-cousin Germain. T'as besoin d'argent, lui ? ...est assez réduite. Ne comptez pas sur la chance pour réaliser vos rêves. Passez plutôt chez Nagel Makers. Nagel Makers, personnel et private banking. Jusqu'à 13h, un air de vacances sur Vivacité. Bon temps de midi avec nous sur Vivacité. On est bien, on est carrément installé sur la plage, la digue. C'est l'heure de la météo des plages et de vos vacances. Tout de suite, avec vous, Denis Collard, nous allons faire plaisir à Nathalie. Tout de suite, Nathalie de Meaux, cette fois, qui nous demande quel temps pour Berck en France. Eh bien, pour Berck aujourd'hui, ce sera un temps assez semblable à celui de notre littoral, à savoir quand même des éclaircies dans le courant de l'après-midi. Les averses sont plutôt pour ce matin, mais on va aussi vers un vent soutenu avec des rafales jusqu'à 65 km à l'heure de secteur sud-ouest. La tendance pour les prochains jours, si notre auditrice y reste un petit peu, eh bien, on va connaître un temps variable. Il faudra slalomer un petit peu entre les nuages et les températures, eh bien en moyenne, on attend 19 degrés pour les prochains jours. La température de l'eau de mer est à 18. Et si, comme Nathalie, vous souhaitez connaître la météo de vos vacances, ça se passe par SMS au 3063 ou sur vivacité.be, sur la page de l'émission Un air de vacances. Au fait, Denis, l'idéal, c'est de s'y prendre le plus près possible de la date de départ, j'imagine. Oui, Stéphane, tout simplement parce que les prévisions sont plus fiables quand elles sont à court terme. Donc, par exemple, si vous partez jeudi ou vendredi vers une destination étrangère, eh bien, n'hésitez pas à nous faire la demande mercredi ou jeudi. Là, vous aurez eh bien, la tendance et les prévisions pour votre lieu de vacances. Donc, prévoyez toujours de demander le temps qu'il fera une fois que vous serez arrivé, une fois que vous aurez terminé votre voyage, pour savoir eh bien, comment vous habiller ou que prendre dans votre valise, en tout cas pour la première partie de ce voyage, un service qu'on vous rend avec un grand plaisir tout au long de ces vacances. Effectivement, et si vous souhaitez vous faire plaisir, allez-y, demandez la destination de votre choix par SMS au 3063 ou sur vivacité.be, rubrique Un air de vacances. Voici une chanson rockmantique, c'était le nom de l'album de Cyndi Lauper de 1984.

c'est du dripping. T'es un cadeau pour la rétine. T'es sur une toile de Mondrian que je saccage de mille couleurs. Jeter sans vergogne et sans plan, juste comme ça pour le bonheur. Je vous imagine même en camping à Bruxelles. Il y a ceux qui restent au port, il y a ceux qui rient encore. Il y a ceux, il y a celles qui restent plantés à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Bruxelles, c'était Boulevard Désert. Les people en vacances. Et on prend la direction de Bruxelles, justement, avec, je sais pas, Bruno Coppens, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes à Bruxelles ? Là, je suis à Bruxelles pour l'instant. C'est pas pour les vacances. Hein. Ah, c'est pas encore, mais ce sera bientôt le cas ? Oui. Je pars le 15, effectivement. Oui. Et où partez-vous, oui. Bruno Coppens ? Alors, je pars 15 jours à Avignon, voir quelques spectacles, puis mon fils qui est régisseur pour un spectacle. Oui. Et puis rencontrer plein de gens que je vois que à Avignon tout l'été, et à chaque été. Et puis après, je pars en Jamaïque avec toute ma famille là-bas, une dizaine de jours. Ah, c'est génial la Jamaïque. Ben écoutez, je sais pas, j'ai encore jamais été, mais je veux pas avoir trop de photos parce que je veux découvrir ça et pas sur le net, quoi. Mais ça m'excite beaucoup, effectivement. Bon, alors Avignon, les spectacles, c'est vrai que vous en avez écrit quelques-uns des spectacles. Oui, oui. Combien ? 5, 6, 7 ? Ah, 5, je sais même plus. 6 ou 7 parce qu'il y a d'autres que j'ai fait en commun, en collectif, puis un autre qui n'était pas un texte de moi, ouais. On est dans les 7-8 là. Ouais, et ouais. Puis une vraie Madeleine de Proust, Monsieur Virgule, dans l'émission Ici Blabla. Oui, c'est vrai. C'était vous, hein ? Oui, effectivement. J'adorais ça et je suis très heureux de rencontrer encore maintenant des gens qui se souviennent de ça et qui ont parfois été marqués dans le genre. Ils ont eu envie d'écrire des tas de bêtises, d'un jeu de mots comme moi. Donc ouais, voilà. C'était Salut les lardons. Effectivement. Et à la fin, on voyait son nom dans le générique aussi, un petit peu à l'image du Club Dorothée. C'était vraiment un rendez-vous mythique, hein, ça. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Bon, quel a été votre meilleur souvenir de vacances ? Oh là là là là, ça dépend, hein. C'est compliqué, un seul, mais quand même découvrir Madagascar, ça c'était quand même un top. Okay. C'est une île, je crois que c'est le pays le plus pauvre de la planète, et puis ils ont une richesse au niveau flore, faune, des gens, mais d'un accueil pas possible, enfin une beauté incroyable, et en fait c'est un pays qui est plus grand que la France, oui. Alors que c'est tout petit comme une petite crotte là au bout de l'Afrique, j'ai l'impression que c'est rien du tout, que c'est rikiki, et puis en fait c'est plus grand que la France, ce qui fait que vous faites 200 km et vous êtes complètement ailleurs, quoi. C'est ça part des plages dorées jusqu'à des montagnes un peu plus arides comme ça, puis de la terre rouge, c'est terrible, c'est fascinant. Ouais. Êtes-vous plutôt camping ou hôtel ? Ben écoutez, je fus camping autour de mes 20-25 ans, mais c'est pas mon truc. Je préfère quand même un peu de confort. Oui, feuillée, tout ça, c'est pas votre truc. Bah ben non, écoutez, mais j'ai pas été scout. Hein. J'étais au patrouf de 3 ans, mais j'ai pas été scout, donc j'ai pas eu cette culture-là. Ouais. Piscine, mer ou montagne ? Alors la mer. Mmh. La mer, parce que moi ça m'apaise complètement de voir les grandes étendues de vagues et tout ça, j'adore ça. Puis cette musique du va, du vient, etc., ça me, comme votre musique de Gainsbourg là, ça va et ça vient. Et bien ça qui maintenant la montagne, j'aime bien de la regarder de loin, mais être dessus, ça me plaît pas trop, non. Ouais, un peu peur. Quelle est la météo idéale pour vos vacances? Pas trop, bah entre les deux, quoi. C'est-à-dire soleil, pas trop chaud, quoi. Oui, c'est ça, comme le belge, quoi. Avez-vous un cocktail préféré ? Bah écoutez, depuis un an ou deux, c'est le Spritz, mais je sais que c'est un peu déclassé, mais pas du tout. Non, ça va, bon, c'est revenu à la mode, ça va. Le Spritz, j'aime beaucoup. Sinon, un mojito, hein, ça fait tellement exotique, c'est parti, quoi. Et dans l'assiette, votre plat préféré ? Dans l'assiette, le plat préféré ? Ah, fruits de mer et crustacés. La glace, fraise, vanille, chocolat ou un autre goût ? La glace, fraise, allez hop. Dans quel endroit vous sentez-vous en vacances chez nous en Belgique ? À l'RTBF. C'est pas vrai. En vacances à l'RTBF ? Non, je crois que c'est quand même à la dans mon jardin, dans le Hainaut, là, près de Tournai, il y a un jardin assez grand et toute cette verdure là, j'ai un petit espace d'eau là, franchement c'est ouais, j'aime bien, ça m'apaise complètement aussi ça. Ouais. Ceci dit, vous avez raison, en été on est vraiment en vacances ici, hein, c'est cool. Ben votre station balnéaire préférée chez nous à la côte ? Écoutez, j'étais pendant 15 ans quand j'étais petit à la panne, donc je dirais plus ça parce que j'ai des bons souvenirs, mais en même temps c'est bon quoi. non, moi c'est plutôt la Côte d'Opale, c'est pas chez nous, mais c'est pas loin. Bah oui, c'est vraiment pas loin. C'est pas loin, la Côte d'Opale, ça j'adore. Ouais, ouais, ouais ça, c'est bon, pas mal. Il y a la baie de Somme aussi qui est sympa. Oui, voilà, voilà. Ouais. C'est un peu plus loin ça, mais ouais, la Côte d'Opale vraiment ça m'attire beaucoup. Ouais. Quelle est la chanson qui représente le mieux l'été pour vous? Autrement dit, votre tube de l'été favori? Bon, je suis un peu influencé par votre générique là, parce que si je vous dis Six Sex and Son, Six Sex and Son de Serge Gainsbourg, ah ouais, mais ouais, quand même, c'est top ça. Ouais. Bon, eh ben on va rester là-dessus. Votre actu, il y a un bouquin qui sort, il y a un spectacle, il faut absolument aller voir. Un conseil pour cet été. Bah écoutez, le bouquin que je viens de finir, qui est très vacant, c'est un bouquin d'été. Hein, c'est pas la grande littérature, mais franchement, c'est bien mené. C'est Michel Bussy. Le temps assassin, ça se passe en Corse. Il y a une, c'est incroyable. Tu commences, tu te dis, il faut que je sache si c'est possible ce qu'il raconte. Et puis on est surpris jusqu'à la fin. C'est un top best-seller d'été. Voilà. C'est le genre de livre qu'on adore détester en fait. C'est-à-dire que quand on commence, on n'arrive pas à s'arrêter. On n'arrive pas à s'arrêter. Un petit peu comme la fille du train, ce genre de truc quoi. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Ouais, j'ai aussi lu celui-là, ouais, effectivement. Ouais. Bon, ben voilà, Michel Bussy, Le Temps Assassin, le conseil de Bruno Coppens pour cet été. Et pour vraiment bien terminer notre rendez-vous, voici. Ah ben voilà, je dis, vous êtes créatif. Et bonnes vacances, amusez-vous bien en Jamaïque oui, et à Avignon. A bientôt Bruno, merci. Merci, au revoir. Cuisine Créfelle. Nos soldes, c'est jusqu'à moins 70% sur une sélection de cuisine d'expo. Cuisine Créfelle, mon rêve, ma cuisine. Château Préion, la qualité au meilleur prix soldé de Belgique. Exemple, superbe salon cuir de 3000 euros soldé à 900 euros. Salle à manger ou chambre de 3200 euros soldé à 1000 euros. Cuisine équipée de 20 000 euros soldé à 8000 euros, etc. Château Préion, 16 Grand Rue à Trou, à côté de Chaudfontaine. Durant les soldes, ouvert 7 jours sur 7. Attention, Château Préion n'a strictement rien à voir avec d'autres magasins de salon d'appellation Château. C'est beau, c'est bon, c'est Château Préion. Vivacité et la 2 présente le meeting international d'athlétisme de la province de Liège. De l'athlétisme de haut niveau à Nemeth-Ovémont, le mercredi 13 juillet à 20h. Venez applaudir Nafitiam et les autres Belges dans leur dernière ligne droite pour les JO. Plus d'infos sur meetingliège.be avec le service des sports de la province de Liège et la Loterie Nationale. Quelques instants, même si au Tour de France, eh bien pour l'instant c'est jour de repos, nous allons quand même parler de vélo. Vous étiez plus de 5000 à être à Oupey hier pour l'étape du beau vélo de Ravel. Eh bien sachez que la semaine prochaine, vous prendrez peut-être la direction de Vielsalm et on en parlera avec Adrien Jovenot et Cody dans quelques instants sur Vivacité. On va vraiment vous donner envie d'aller le rejoindre dans cette magnifique région qui est Vielsalm. Et puis tout de suite, voici Anne Silla sur Viva avec Le Monde Tourne Sans Toi. En concert Vivacité au Brussels Summer Festival, ce sera le 11 août. Jusqu'à 13h sur Vivacité, un air de vacances avec Stéphane Piedbeuf. Il faudrait que j'arrête de dire que je vais arrêter. Il faudrait que je permette au vide de venir m'habiter. Il faudrait que j'apprenne. Comptez combien de fois j'ai dit qu'il n'y avait plus rien. Et combien de fois je me suis menti. Le monde tourne sans toi. Et plus je joue, plus je perds. Je voudrais tellement. Il faudrait que ta bouche ne soit pas mon unique raison et que beauté en touche ne soit pas ma seule réaction. Il faudrait que j'inonde de sombres couleurs tes souvenirs et que je dise à tout le monde que t'es plus là, mais je sais pas le dire. Il faudrait que je revienne. Je pars m'égarer dans tes draps et que je me souvienne comment ne pas avoir envie de toi. faudrait que je trace les routes que j'ai jamais osées. Il faudrait que j'efface toutes celles qu'on avait dessinées. Et plus je joue, plus je perds. Je voudrais tellement tomber par terre. Le monde tourne sans toi. Et plus je joue. Thank you. à l'heure, il y avait Cyndi Lauper en 1984 et là, nous y étions encore avec Talk Talk, It's My Life sur Viva. Le beau vélo de Ravel, c'est au Vivacité. Ah, hier, c'était chouette, hein, l'étape avec Kiki l'Innocent à Oupey, en province de Liège. On va pas aller très très loin, quoiqu'on va prendre un petit peu d'altitude. Nous serons pratiquement sur les hauteurs de notre beau pays. Ce sera le cas samedi pour la prochaine étape à Vielsalm. On vous retrouve avec Cody, Adrien Jovenot. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Alors, en selle pour un bain géant de chlorophylle au départ du domaine de Farnières. C'est dans la commune de Vielsalm. On va vous emmener dans la forêt de la baraque de Fréture à 652 mètres d'altitude. C'est le point culminant de la province de Luxembourg. Alors, je vous rassure, on va délaisser la côte de la Ouane, si chère à Liège, Bastogne-Liège, pour lui préférer les paisibles rives du lac des Doyards et l'assiette de l'ancienne ligne de chemin de fer 47A qui reliait autrefois Saint-Vite à Vielsalm. Et Vielsalm, Cody, bonjour. Bonjour. C'est une ville que vous connaissez bien. Que je connais bien. On est allé avec les enfants de cœur. Et figurez-vous que je vais être intronisé dans la confrérie. Je ne sais pas si c'est une confrérie. En tout cas, à Vielsalm. Confrérie des maquerelles. Des maquerelles, exactement. Vous savez ce que c'est, une maquerelle? Ben, je crois que c'est une sorcière. Oui. Donc, je travaille le balai. Ouais. Depuis quelques temps. Entre les jambes, parce que depuis vous avez un petit vélo entre les jambes. Et mais là ce sera un balai. Là ce sera un balai, exactement. Et, ouais, et vous allez faire un peu votre Harry Potter, votre. Exactement. Ouais. Et je crois que les maquerelles ou sorcières, on peut les apparenter aux cougars. Parce que voyez-vous, une cougar, c'est une femme qui a plus de 40 balais. Ce qui est un petit peu l'équivalent d'une sorcière à Vielsalm. Aucun rapport avec Dave qui sera en concert à l'arrivée. Ah non. Le côté vieille sorcière. Non, pas du tout. Respect, s'il vous plaît. Dave en concert, ça va être toujours un grand moment, ça. Avec juste avant lui Mister Cover et Laura Cartesiani, la gagnante de l'émission The Voice. Ceci dit, Dave va quand même chanter J'irai bien refaire un tour du côté de Vielsalm. Oui, absolument. C'est une bonne blague. Oui, c'est pas mal. Le côté Madeleine, vous vous souvenez bien, hein, de ce côté de chez Swan. Dave, ce samedi 16 juillet à Vielsalm, on en reparle demain si vous voulez bien. Avec plaisir, Adrien, et puis toutes les infos sur le beau vélo de Ravel, direction vivacité.be. Le beau vélo de Ravel avec notre partenaire Electrabel. Electrabel et Kito sont prêts pour de belles balades au beau vélo de Ravel. Solde chez Lederland à Saint-Vite. Plus de 150 salons en cuir sont sacrifiés jusqu'à moins 55%. Oui, jusqu'à moins 55%. Nous soldons aussi dans notre espace literie et notre espace meubles et décoration de la marque Enders et Hazel. Lederland Saint-Vite est ouvert de 10 à 18h30, même les dimanches et jours fériés. Plus d'infos sur lederland.info. Besoin de stores décoratifs, protection solaire ou encore teinture et papier peint? Allez chez Déco et Nuances à Herve, spécialiste en aménagement et décoration d'intérieur. Déco et Nuances, Outrecours 118 à Herve-Bâtisse. Le commerce autrement, localisi.com. Localisi.com. Vivacité et la foire de Libramont présentent l'agriculture, une question de vie. Signez la pétition pour une juste rémunération de l'agriculteur sur www.foiredelibramont.com/pétition. Et rendez-vous tous à Libramont du 22 au 25 juillet. Info sur www.foiredelibramont.com. Viva Bruxelles présente. Du noir, du jaune, du rouge? Oui, pour la fête nationale, mais aussi de toutes les couleurs pour le feu d'artifice. Ce 21 juillet, venez fêter la Belgique et assister au spectaculaire feu d'artifice à 23h sur la place des Palais à Bruxelles. Une organisation du syndicat d'initiative de Bruxelles avec le soutien de la chancellerie du Premier ministre. Jusqu'à 13h, Vivacité a un air de vacances. Et plus que jamais avec le son de Imani sur Viva, numéro 18 du Tip Top Vivacité avec Don't Be So Shy. Et en parlant de Tip Top et de Hit Parade, on fera le tour du monde des hits qui cartonnent cet été en dehors de nos frontières. A tout de suite. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why.

l'autre, il faudra qu'il y ait la guerre. On le sait bien, on n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire. On dit c'est le destin. En été, indémodable. Nino Ferrer était sur Vivacité avec le Sud. Ça y est, on fait notre tour du monde des hits qui fonctionnent très bien à l'étranger. Au Chili, Enrique Iglesias est numéro 1 avec Duel El Corazon. Chez nous, Enrique Iglesias est numéro 7 dans le dernier classement du Tip Top. Prenons la direction du Danemark en 3ème position, c'est Maître Gims. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Là où il y a du soleil, Hongrie, forcément, numéro 1, Imani. Imani, bien sûr, classé dans le Tip Top Vivacité que vous retrouverez tout à l'heure entre 19 et 20 heures. Pour conclure, avant d'accueillir Émilie de Kegel qui va prendre place dans le studio pour La Vie du Bon Côté, je vous propose une chanson italienne. Oh, quelle est jolie. Voici Eros Ramazzotti sur Viva. Quanto amore sei. Quanto amore sei, c'était Eros Ramazzotti, Emily de Kegel, tout va bien? Tout va bien, je suis en train de préparer mes papiers, mon passeport, parce que je vais aller faire une année dans un autre pays. Oui, pour apprendre la langue. Très bien, et en plus, vous avez un invité qui a beaucoup d'humour, on va bien s'amuser dans l'été du bon Alors, côté. Alors là, c'est le truc que je peux vous donner, le conseil, c'est de rester à l'écoute. La météo de Nicolas. Dis, votre partenaire pour l'été, Solaire Mini Format Premier Soin, tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. Bonne journée à tous. Le ciel est encore très nuageux. Des éclaircies reviennent par l'ouest, tandis que les bruines s'évacuent par l'est et le sud. Le vent est modéré. Le temps a nettement changé par rapport à hier. On ne dépassera plus 20 à 23 degrés avec cette météo variable qui va d'ailleurs rester d'actualité demain, mercredi et jeudi, avec toujours cette alternance d'averses, surtout l'après-midi, mais aussi de quelques éclaircies. On ne dépassera pas 16 à 20 degrés, même un coup de tonnerre malgré ce temps frais. Est possible. Bonne nouvelle malgré tout, à partir de vendredi pour le week-end prochain, une nouvelle amélioration se met en place. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Vivacité, bon temps de midi, il est 13h. Ce ne sont pas des mots de ministre-président. Charles Michel répond à Geert Bourgeois. Pour le ministre-président flamand, la frontière linguistique est devenue une frontière de la grève sur laquelle crachent les flamands. Réaction de Charles Michel dans ce journal. Un patron de café, un chauffeur de taxi ou même un délinquant, les informateurs sont importants pour les enquêteurs. 6 sur 10 aident à résoudre des enquêtes sur des trafics de drogue. 10% de jobs étudiants plus cet été, des offres attendent toujours un candidat, surtout dans l'Oréca. Quand on s'y prend tard, le choix est forcément plus réduit, vous expliquera une spécialiste. Ronaldo et les siens de retour chez eux au Portugal. Retour des héros avec le titre de champion d'Europe. Lisbonne attend l'avion des joueurs et nous y serons dans un instant. Le journal de 13h avec vous Delphine Vreux, bonjour. Bonjour, ce n'est pas un vocabulaire pour un ministre-président. Et les caricatures n'ont jamais apporté de solution. C'est ce que rétorque le Premier ministre au ministre-président flamand. Pour Geert Bourgeois de la NVA, la frontière linguistique est devenue une frontière de la grève. Les flamands crachent sur ça, a-t-il aussi déclaré. Résultat, la fête de la communauté flamande débute donc sur une polémique. Et à son arrivée à la cérémonie officielle ce matin à l'hôtel de ville des Bruxelles,